الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا لرسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التي سماها الشيخ العقيدة الصحيحة وما يضادها. ونحن قرأنا في الركن الأول من أركان الإيمان، فنواصل القراءة بإذن الله. Donc nous allons continuer de lire cette épître qui a été écrit par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui concerne la foi correcte ou la croyance correcte et ce qui s'y oppose. Et nous nous sommes arrêtés après avoir lu le premier des piliers de la foi, qui sont au nombre de 6. Et dans le cours précédent, il y avait un verset que j'avais cherché, que je n'avais pas trouvé. Et tout à l'heure, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا قَالَ إِبْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ لَا يَأْتُونَ بِشُبْهَةٍ وَحُجَّةٍ يُرِيدُونَ بِهَا أَنْ يُعَارِضُوا الْحَقِّ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ. Donc le verset est dans Sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui amènent des ambiguïtés pour contredire la vérité, notamment dans la croyance de laquelle nous sommes en train de parler. Lorsqu'ils amènent des ambiguïtés, ou qu'ils amenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des ambiguïtés, afin de contredire ou de vouloir prouver que la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fausse, Allah tabaraka wa ta'ala révéla des versets afin de répondre à ces ambiguïtés et de les effacer et de les dissiper. Tayyib. Le deuxième pilier de l'Iman, الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. قال الشيخ رحمه الله: أما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، وصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. Il nous dit que fait partie de la croyance correcte le deuxième pilier de la foi, qui consiste à croire aux anges, qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons croire aux anges de manière globale et aussi détaillée. Lorsque des détails nous viennent concernant les anges, nous devons y croire. Al-Muslim yu'minu bil-mala'ika. Wal-mala'ika khalaqahum Allahu azza wa jalla min nur. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. وهم عباد مكرمون أكرمهم الله تعالى فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال عز وجل. الملائكة هم من المؤمنين. Les anges sont des êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés à partir de lumière. Ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a honorés. Et ils n'osent jamais devancer Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs paroles. Ils attendent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque celui-ci vient à eux, ils s'empressent de l'appliquer et de le mettre en pratique. Ils s'empressent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset, en parlant de lui-même subhanahu wa ta'ala, il sait il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux, c'est-à-dire, il connaît leur futur, leur avenir et leur passé. La plupart des fois où dans le Coran tu lis la parole d'Allah, il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ce qu'il veut dire par cette parole, c'est l'avenir et le passé. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ensuite, il nous dit, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Et les anges ne peuvent intercéder en la faveur de quiconque, si ce n'est après qu'Allah l'ait permis. فَالْمَلَائِكَ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ أَنَّهُمْ يَشْفَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا إِذَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ وَإِلَّا إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمَشْفُوعِ لَهُ. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لأن الشفاعة لله عز وجل والإنسان لا يجوز له أن يطلب الشفاعة من غير الله فإذا قال مثلا يا جبريل اشفع فيا فقد وقع في الشرك بالله لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فمن مالك الشفاعة هو الله فهل يجوز أن تقول يا جبريل يا إسرافيل اشفع فيا لا بل تقول يا رب جبريل يا رب إسرافيل أكرمني بشفاعة الملائكة وهذا قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الملائكة يخافون من الله سبحانه وتعالى. Et également Allah nous dit que les anges ne peuvent intercéder en la faveur de quiconque, sauf si Allah Azza wa Jal a agréé la personne pour qui ils veulent intercéder. Et l'intercession est un droit qu'Allah possède. Il n'est donc pas permis aux musulmans de demander l'intercession à autre qu'Allah, et en l'occurrence ici, aux anges. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans Surat al-Najm, et combien sont les anges aux cieux dont l'intercession n'est d'aucune utilité, sauf ceux à qui Allah a donné la permission d'intercéder pour celui dont il est satisfait. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce même verset que les anges ont peur d'Allah. Ils sont pris par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَ الْمَلَائِكَ وَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهِ يَخَافُونَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهِ فَمَاذَا نَقُولُ بِنَا نَحْنُ. Si les anges eux-mêmes, qui sont connus comme étant des serviteurs qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que dire de nous-mêmes alors? C'est-à-dire que les anges ne craignent Allah malgré qu'ils ne commettent pas de péché. Comment doit être le musulman alors? Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit que les anges sont beaucoup, ou sont très nombreux, عدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله فهم كثيرون جدا. Les anges sont très nombreux, et seul Allah connaît leur nombre. ومنهم الموكلون بحمل العرش. Il y a parmi eux des gens, des anges qui sont chargés de porter le arche. Des anges, alaykum salam wa rahmatullah, qui sont chargés de porter le arche. ومنهم خزانة الجنة. Il y a parmi les anges certains qui ont la mission de surveiller le paradis et de le garder. ومنهم خزانة النار. قال الله عز وجل عليها 19 الملائكة الذين هم خزانة النار هم 19 من سيدهم مالك اسمه مالك. قال الله عز وجل في أهل النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أهل النار يقولون يا مالك قل لله يقضي علينا ويميتنا لا نتحمل النار والعياذ بالله. Et parmi les anges il y en a qui ont la mission de surveiller l'enfer. Et Allah nous parle de leur nombre dans le Coran en nous disant qu'ils sont 19. Et le chef de ces 19 s'appelle Malik. Allah nous dit au sujet des gens qui seront punis en enfer, ils s'écrieront au Malik, demande à ton Seigneur de nous achever. Qui est Malik? Le chef des 19 gardiens de l'enfer. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان لا يتكلم إلا وعلى جنبه ملك مستعد لكتابة وتسجيل ما يقول. Il y a également parmi les anges certains qui ont pour mission d'écrire toutes les actions du serviteur d'Allah. Comme Allah nous dit dans sourate Qaf, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un scribe qui soit prêt à l'écrire, qui soit prêt à enregistrer ce qu'il fait. وَنُؤْمِنُ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ بِمَنْ سَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ. Et nous croyons de façon détaillée aux anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, Jibril, وَمِكَائِلِ وَمَالِكِ كما قلنا خازن قال خازن الجنة وهخاطة خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه مسلم في صحيحه. Ensuite, il nous dit, et nous devons également croire aux anges de manière détaillée, c'est-à-dire que toutes les informations de manière détaillée qui nous parviennent concernant les anges, il nous est obligatoire d'y croire. Il nous est obligatoire d'y croire. Et parmi ceux-là, les noms des anges. Les noms des anges. Et les noms des anges que le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah, a cité dans son livre ici, Jibril, Mikaïl, Malik et Sarafil. Et ces quatre anges, nous connaissons leur fonction et leur travail. Fama huwa amalu Jibril? Hein? Man yujib? Al-Wahi. Le travail ou la mission de Jibril, c'est de descendre la révélation. Jibril nazala ala Ibrahim, nazala ala Isa, nazala ala Moussa, nazala ala sa'ir al-anbiya bil-Wahi. Jibril est l'ange qui descend voir les prophètes pour leur apporter la révélation. ثم قال وميكائيل فما هو عمل ميكائيل. ميكائيل, quelle est la mission de ميكائيل? Hein? ميكائيل عمله ما هو؟ الجواب هو الموكل بالمطر بإنزال المطر بإذن الله عز وجل والنباتات. والنباتات. Mikaïl, son travail ou sa mission, c'est de s'occuper de la pluie et de la poussée des végétations et des plantes. ثم قال مالك. ما هو عمل مالك? L'ange مالك. Hein? Le gardien de l'enfer. خازن النار. وإسرافيل. ما هو عمل إسرافيل? النفخ في الصور يوم القيامة. قال الله عز وجل ونفخ في الصور. فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من الذي ينفخ؟ إسرافيل عليه السلام. وقد جاء في حديث أن إسرافيل منذ أن وكله الله عز وجل بهذا العمل هو آخذ بالبوق وينتظر أمر الله عز وجل. فإذا أمره الله عز وجل أن ينفخ نفخ فحشر الناس. Israfil qui a pour mission de souffler dans la trompe pour annoncer l'arrivée de l'heure et la venue du jour du jugement. Et dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ange Israfil, depuis qu'Allah lui a chargé la mission de souffler dans la trompe, il a la trompe à la main et il attend qu'Allah lui donne l'ordre d'annoncer l'arrivée de l'heure. Tayyib. Man hum ahsanul malaikati indallah. Qui sont les meilleurs anges chez Allah? Qultum Jibril. Wa hadha sahih. Ahsanuhum. Thumma Israfil. Thumma Mikail. Ha'ula al-thalatha ahsanul malaikati 'inda Allah. Les trois meilleurs anges chez Allah sont Jibril, Israfil, Mikail. Limada? Satajidun al-an الجواب وهي حكمة عظيمة. لا. Le frère il a dit parce que ils sont les derniers à mourir. La réponse ce n'est pas ça. أول نقول قال ابن القيم تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Il nous dit que les trois meilleurs anges sont sont Jibril, Israfil, Mikaïl. لأن هؤلاء الثلاث من الملائكة كلهم موكلون بالحياة. فجبريل موكل بحياة القلوب بإنزال الوحي. فإذا نزل الوحي حياة القلوب. الثاني صرافيل موكل بحياة النباتات وحياة الطبيعة في الأرض. ثالثا صرافيل موكل بالحياة الثانية وهي الحشر. فكلهم موكلون بعمل عظيم وهو الحياة. فمنهم من هو موكل بحياة القلوب ومنهم من هو موكل بحياة الدنيا والنباتات ومنهم من هو موكل بالحياة الآخرة. Ils sont les meilleurs des anges pour la simple ou pour la raison que ils sont tous chargés de faire vivre, c'est-à-dire d'être la cause de la vie par l'ordre d'Allah. Quant à Jibril, il fait vivre les cœurs en révélant, en descendant la révélation. Et lorsque Jibril apporte au messager la révélation, par la révélation, les cœurs des gens revivent. Et Israfil a la mission de faire revivre ou de faire vivre les plantes par le fait de faire tomber la pluie et de faire pousser les plantes. Il est donc chargé de la vie terrestre et de la nature sur terre. Et Mikaïl est chargé de faire vivre, Mikaïl a la mission de faire vivre la nature avec la pluie et faire pousser les plantes. Et Israfil a la mission de faire revivre les gens, c'est-à-dire que c'est Allah qui va faire revivre les gens, mais après que Israfil a soufflé dans la trompe. Donc ils sont tous chargés de la vie. Certains parmi eux sont chargés de la vie des cœurs, d'autres de la vie terrestre et de la nature, et d'autres de la vie de la résurrection. C'est pour cela qu'ils sont les meilleurs des anges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et قد أشار الله عز وجل إلى أنهم أشرف الملائكة في قوله عز وجل من كان عدوا لله وجبريل وميكائيل وإسرافيل فإن الله عدو للكافرين. لماذا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل وإسرافيل فإن الله عدو للكافرين؟ ذكر الملائكة ثم خص بالذكر هؤلاء الثلاث. الله عز وجل a dit celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de Jibril, de Mikaël et de Israfil, alors certes Allah est l'ennemi des mécréants. Après qu'Allah a cité de façon globale les anges, en disant celui qui est l'ennemi des anges, il a cité particulièrement trois de ces anges qui sont les anges que nous avons cités. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte, hein, nous explique selon Aïcha, comme nous rapporte cela l'imam muslim, que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, les anges ont été créés à partir de lumière. Et les djinns ont été créés à partir de la fumée ou d'un feu sans fumée. Et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit. خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تُرَابٍ آدَمَ وَهَذَا هُوَ مُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ فَمَنْ آمَنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِيمَانُهُ صَحِيحٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Celui donc qui croit en ce que nous avons cité et décrit concernant les anges, alors Allah subhanahu wa alors sa croyance sera correcte vis-à-vis des anges. ثانياً أو ثالثاً الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلاً أو رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Ensuite, Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit, troisièmement, la croyance au livre. Il est obligatoire aux musulmans d'avoir la croyance générale ou globale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres sur ses prophètes et messagers afin de mettre en évidence et de montrer la vérité et d'appeler les gens à suivre celle-ci. Allah a dit dans le Coran, et certes nous avons envoyé, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا عَفْوَانَ. Allah dit, nous avons certes envoyé nos messagers, بالبينات, avec les preuves évidentes, وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ, et nous avons fait descendre avec eux, الْكِتَابِ, وَالْمِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons fait descendre avec les prophètes le livre et la balance afin que les gens fassent preuve de justice. Allah Azza wa Jalla envoie les prophètes avec la justice. Et également Allah nous dit, les gens au début étaient une communauté. Ensuite Allah a envoyé des prophètes en tant qu'annonciateurs de la bonne nouvelle pour ceux qui suivent et en tant qu'avertisseurs du châtiment pour ceux qui désobéissent. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Et il a fait descendre avec eux le livre en toute vérité. لِيَحْكُمَ النَّاسُ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ. Afin que les gens jugent dans les questions dans lesquelles ils ont divergé. وَنُؤْمِنُوا عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ بِمَا سَمَّ اللَّهُ مِنْهَا كَالتَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ وَنَزِيدِ وَالصُّحُفِ الَّتِي أُوتِيَهَا مُوسَى وَإِبْرَاهِيمِ. Et nous devons croire de manière détaillée au livre qu'Allah Azza wa Jal nous a nommé dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous a nommé la Torah. Unzilat ala man? La Torah. Ala Moussa. La Torah a été révélée sur Moussa. Al-Injil. Ala Isa. Al-Zabour. Ala Daoud. Wa atayna Daouda Zaboura. Daoud qui a été révélé à Daoud. Al-Quran. La yahtaj. Ma'rouf. Wa suhuf. وكلهم تسمعون أو تقرأون آخر سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Il nous dit que le Coran est le meilleur des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le dernier de ces livres et qu'il est celui qui va prévaloir sur tous les livres. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب أي حاكم على جميع الكتب. فلما نزل القرآن لم يجوز لأحد من الناس أن يعود إلى غير القرآن فلا بد أن يعمل الإنسان بكتاب الله القرآن سبحانه وتعالى والقرآن صدق جميع الكتب كما قال الله عز وجل لما سمع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عادوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من قبل ما كان قبله من التوراة والإنجيل. ما هو المصدق؟ القرآن يصدق الإنجيل يصدق التوراة الآية. Il nous dit que le Coran est venu pour attester de la vérité ou de la véracité des livres qui ont précédé le Coran, comme l'Évangile, comme la Torah. Et lorsque les djinns ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, ils sont revenus à leur peuple afin de leur dire, nous avons entendu la récitation d'un livre qui a été révélé après Moussa, et qui atteste de la vérité des livres qui l'ont précédé. Donc le Coran atteste de la véracité des livres précédés, et en même temps il prend le dessus sur tous les autres livres. لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين car Allah a envoyé son messager Muhammad عليه الصلاة والسلام en tant que messager الجن إيوزام الثقلين من هم الجن والإنس الجن إيوزام الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله جي أبخفت عليه الصلاة والسلام دي أوه لزام Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toutes les communautés. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِيَحْكُمَ بِهِ بَيْنَهُمْ Et il a fait descendre avec lui le Coran afin que les gens le prennent pour juge lors de lorsqu'ils divergent. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرًا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Allah nous dit dans ce verset, lorsque vous divergez dans une question, renvoyez-la à Allah et à son prophète, al-Qur'an wa sunnah. Renvoyez-la à Allah et à son prophète, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, voici ce qui est meilleur et de meilleure interprétation pour vous. وَجَعَلَهُ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ قال الله عز وجل قل هو هدى وشفاء القرآن الله دي son prophète عليه الصلاة والسلام dit il a une guidée et une guérison فالقرآن شفاء لما في القلوب le Coran est une guérison pour les cœurs malades فالقلوب تمرض ومرضها الشبهات والشهوات المحرمات والشكوك في العقيدة فما هي الشف ما هو الشفاء القرآن قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن هذا يكون سببا في شفاء القلوب ونسأل الله تعالى أن يشفي بالقرآن قلوبنا donc le Coran est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs et pour ce qu'il y a dans les poitrines également وتبيانا لكل شيء بين الله عز وجل في القرآن كل شيء كل ما يحتاج إليه الإنسان Le Coran a démontré et a détaillé tout ce dont l'homme a besoin. وَهُدَى هَذَا ذَكَرْنَا الْآيَةِ Et nous avons cité le verset dans lequel Allah nous montre que le Coran est une guidée. وَرَحْمَةِ فِي أَعْظَمْ رَحْمَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الْإِنسَانِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا عَمِلَ بِهِ بِإِيمَانٍ وَصِدْقٍ يَنْجُو مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ هل يوجد رحمة أعظم منها؟ الجواب لا. Le Coran est une miséricorde pour les croyants, car lorsque le croyant lit le livre d'Allah et le met en pratique, il sera sauvé de l'enfer et il entrera au paradis. Et il n'y a pas une miséricorde plus grande et meilleure que celle-ci. ورحمة للمؤمنين une miséricorde pour les croyants. Allah a dit et ce livre nous l'avons fait descendre béni. Ce livre est béni. القرآن مبارك مبارك في أخباره في أوامره في كل ما هو فيه فاتبعوه suivez-le donc إذا كان القرآن مباركا فعليكم باتباع القرآن والعمل به واتقوا لعلكم ترحمون اكرنيه prémunissez-vous اتقوا النار اتقوا الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لعلكم ترحمون ainsi Il vous sera fait miséricorde. Allah a également dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Et nous t'avons fait descendre ce livre pour détailler toutes choses et comme guider miséricorde et bonne annonce aux musulmans. بُشْرَى هَذَا الْكِتَابَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله نجي dans ce verset Ô vous les hommes dit Allah dit au prophète عليه الصلاة والسلام dit Ô vous les hommes Je suis le messager d'Allah vers vous tous ensemble. Il est celui qui a la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf lui. Il fait vie, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en lui et en son messager, prophète, qui est illettré. Celui qui croit en Allah et en ses paroles et en ses mots. Et suivez-le donc. Ainsi, vous serez guidés. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Et les versets nous démontrant l'importance de la croyance au livre et particulièrement au Coran sont très nombreux. رابعا الإيمان بالرسل. Quatrièmement, la croyance aux messagers. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة. أين السعادة؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة كائنا من كان شاء أم أبى. وخاتمهم وأفضلهم من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il nous dit, quatrièmement, la croyance aux messagers. Il est obligatoire d'avoir la croyance globale et détaillée aux messagers d'Allah. Nous croyons donc qu'Allah a envoyé à ses serviteurs des messagers qui sont des annonciateurs, mubashirin, yubashiruna bil janna liman ata'uh. ومنذرين ينذرون ويخوفون الناس من النار إنهم عصوا الرسل. Ils sont des annonciateurs de la bonne nouvelle pour ceux qui obéissent et des avertisseurs du châtiment pour ceux qui désobéissent. ودعاة إلى الحق. Et ils sont des prêcheurs à la vérité. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah nous dit à ce sujet, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, tashhad ala nas, anna al-hujjata qad qamat alayhim. Tu vas témoigner sur eux que l'argument leur est parvenu. Wa mubashira, et tu vas leur annoncer des bonnes nouvelles. Wa nadhira, et tu vas leur annoncer, leur avertir contre le châtiment. Wa da'iyan ila Allah bi idhni. Et tu seras un prêcheur à Allah, tu vas appeler les gens à Allah par sa permission. بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Et tu seras pour eux une lampe éclairante. فَمَنْ أَجَابَهُمْ فَازَ بِالسَّعَادَةِ. Et Allah, مَنْ أَجَابَ الرَّسُولِ وَمَنْ أَجَابَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ السَّعِيدِ. وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الشَّقِيُّ الْأَشْقَاءِ. Celui qui suit les prophètes va réussir et va récolter la joie. Et c'est une vraie parole. Car celui qui désobéit au prophète, même s'il a tout l'argent ou toute la dunya, et il a tout l'argent dans sa poche, et il a tout ce qu'il veut avoir, il ne sera pas heureux. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله معيشته صعبة مشقة في الأولاد في الصحة في الأموال في الحياة غير مبارك. لماذا؟ لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الله هدي celui qui s'écarte de mon rappel aura à mener une vie difficile. Il aura des problèmes dans sa vie, dans sa santé, dans son argent, dans sa famille, dans tout. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas le prophète صلى الله عليه وسلم. ومن خالفهم باب الخيبة والندامة. Celui qui contredit les prophètes aura à éprouver un immense regret. Et le meilleur et le dernier des prophètes, c'est Mohammed صلى الله عليه وسلم. هنا بين من هو خاتمهم. خاتم الرسل. فمن أولهم. Ici, il nous a dit, qui est le dernier des prophètes. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous citer le verset. Qui est donc le premier? Nuh? La. Awel. Hein? Kulluna banu Adam. La. Taïf, celui qui a dit que le premier des prophètes, c'est Nuh, il lève sa main. Taïf. Ashab al-Haq. وكلكم أصحاب الحق بإذن الله. ولكن أول الرسل هو نوح عليه السلام. طيب نحتاج إلى دليل. كيف عرفت هذا؟ كمان دليل. المسلم يتكلم في دين الله عز وجل بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Donc la preuve que Nuh est le premier des prophètes, في صحيح البخاري عن أنس بن مالك في حديث طويل، dans un long حديث que l'on appelle حديث الشفاعة. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينتظرون بداية الحساب، فتطول بهم المدة، فهم لا يتحملون ولا يصبرون، فيتوجهون إلى آدم يقولون له يا آدم، أروه بالمعنى، إنك أول من خلقه الله وقد خلقك من تراب، إلى آخر ما يذكرون له، إذ اشفع لنا عند الله ليبدأ الحساب. فآدم يقول لهم إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. Le jour du jugement dernier, lorsque les gens vont attendre que commence leur jugement, la période va s'étaler, elle va être très très longue, 50 000 ans exactement. Alors les gens ne supporteront plus et n'arriveront plus à patienter. Ils vont se mettre d'accord pour aller voir Adam, car il est le premier des hommes qu'Allah a créé de terre et qu'il a honoré. Et ils vont lui demander, Adam, tu es le premier des hommes et le premier qu'Allah a créé. Demande donc à Allah de faire commencer le jugement. Adam leur dira, allez plutôt voir Nuh, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé. Tayyib. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Et le dernier c'est محمد صلى الله عليه وسلم. الله a dit ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du طاغوت. Et le طاغوت dans الطاغوت في معناه المجمل هو كل ما يعبد من دون الله. فلماذا سمي طاغوتا؟ لأن عبادة غير الله تعالى طغيان ظلم فسمي طاغوتا. الله عز وجل nous dit que les messagers ont tous dit à leur peuple adorez Allah et écartez-vous du طاغوت. Et le طاغوت c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et cela a été appelé طاغوت parce que ça vient du mot طغيان qui veut dire transgression. Et l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une immense transgression et injustice. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah azza wa jalla a envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs de la bonne nouvelle et avertisseurs du châtiment afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah ou pour se défendre. فالذي سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه يدخل الجنة يمكن هذا؟ Celui qui entend la prophétie de Muhammad صلى الله عليه وسلم et qui après ne le suit pas va-t-il entrer au paradis؟ La réponse est non. ما الدليل على هذا؟ هذه الآية. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, aucun de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi et ensuite ne me suit pas et ne suit pas le message avec lequel je suis venu sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc après l'arrivée des prophètes, plus personne n'a d'argument. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. Allah nous dit Muhammad n'est pas le père d'un d'entre vous mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes صلى الله عليه وسلم. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Il nous dit que tous les noms des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés dans le Coran ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, il nous est obligatoire de croire au nom des prophètes, au nom des prophètes, de manière détaillée. Et il nous a donné un exemple de nom. Il nous a dit Nuh alayhi salam, Hud, Salih, Ibrahim et autres parmi les prophètes. Allah Azza wa Jal ذكر في القرآن كم من الأنبياء والمرسلين خمسا وعشرين أو خمسة وعشرين نبيا أو رسولا في القرآن. 18 في سورة الأنعام وسبعة في آيات أو في صور متفرقة. فالذين عرفناهم في كتاب الله هم 25. Le nombre de prophètes que nous pouvons lire ou voir dans le Coran, 25. 18 dans Sourate Al-An'am, ils sont cités les uns après les autres. Et 7 dans d'autres sourates du Coran différentes. Donc, à travers le Coran, on connaît 25 noms de prophètes. Afdal Al-Anbiya, kam hum? Les meilleurs des prophètes, combien ils sont? Ils sont 5. كيف سماهم الله؟ كما الله les a appelés؟ أولو العزم من الرسل الذين يصبرون ويثبتون على طاعة الله كسائر الأنبياء ولكن خاصة هم. من هم؟ كي سنتيل؟ ترتيب الأفضل فالأفضل محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ونوح عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هل يجوز لإنسان أن يسمي ولده عبد النبي؟ Est-il permis à un musulman d'appeler son fils عبد النبي, serviteur du Nabi؟ الجواب لا والله. هل يجوز لأحد من المسلمين أن يقول هذا سيحصل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ La wallah. Est-il permis à un musulman de dire cette chose va avoir lieu par le rang d'un prophète? La réponse est non. هل يجوز لأحد أن يقول يا محمد اشفع لي? Hein? يجوز? لا يجوز. Est-il permis à un musulman de dire oh Muhammad intercède pour moi? La réponse, cela n'est pas permis. نحن الآن ندرس العقيدة الصحيحة. كيف يكون المسلم مؤمنا حقيقيا بالله ورسله? فالذي يحب الرسل يتبعهم وهم منعون من ذلك. Celui qui veut être un vrai croyant avec vis-à-vis des prophètes, il doit suivre le message des prophètes. Et les prophètes nous ont interdit de nous conduire de la sorte. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تغلو في بالزيادة والكذب كما فعل النصارى بعيسى إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas d'exagération avec moi en mentant, en me donnant une place qu'Allah ne m'a pas donnée, comme ont fait les chrétiens avec Isa le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites donc il est le serviteur d'Allah et le messager sallallahu alayhi wa sallam. خامساً الإيمان باليوم الآخر. Cinquièmement, la croyance au jour dernier. وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ وَمَا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالشَّدَائِدِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَنَشْرِ الصُّحُفِ بَيْنَ النَّاسِ فآخذ كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منهم وآخذ كتابه بشماله اللهم نعوذ بك أن نكون منهم أو من وراء ظهره والعياذ بالله. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم. اللهم نسألك أن توفقنا لرؤية وجهك إنك على كل شيء قدير، لربهم سبحانه وتكليمه إياه، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, la croyance au jour dernier. Il est obligatoire aux musulmans d'avoir la croyance au jour dernier. Et entre dans la croyance au jour dernier le fait de croire en toutes les informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données et son prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant tout ce qui va se produire après la mort. Mimma yakunu ba'd al-maut. Kullu ma yakunu ba'd al-maut داخل في الإيمان باليوم الآخر. Tout ce qui va avoir lieu après la mort fait partie de la foi au jour dernier. كفتنة القبر وعذابه ونعيمه. Comme فتنة القبر, la tentation de la tombe. وهو سؤال الملكين اللذين هما منكر ونكير. يأتيان إلى قبر كل أحد من الناس فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ كيف عرفت هذا؟ ماذا عملت؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أما العبد الفاجر وفي رواية وأما العبد الكافر فيجلسانه ويجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. يتحسر يندم الخيبة الندامة هاهم هاهم لا أدري. فيقولان لهم وما دينك؟ هاهم هاهم لا أدري لا أعرف. من نبيك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هاهم هاهم لا أدري. فيقول الله عز وجل كذب عبدي والعياذ بالله. الحديث طويل. Donc nous devons croire aux questions que chaque personne va affronter dans la tombe par deux anges qui sont Munkar et Nakir, qui viendront interroger chaque personne dans leur tombe avec trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant dira mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam et cet homme c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera et l'accueillera dans sa miséricorde. Quant aux mécréants, aux pervers, dans les deux hadiths ou dans les deux versions, le mécréant et le pervers dira malheur à moi, le sens de cette parole, c'est hahim, malheur à moi, je regrette, je ne sais pas. Et il répondra je ne sais pas aux trois questions, jusqu'à ce qu'Allah dira mon serviteur a menti. Wal'iyadu billah. Nous devons donc croire au questionnaire de la tombe. وعذابه ونعيمه وعذاب القبر ونعيم القبر. Nous devons croire au supplice de la tombe et nous devons croire au délice de la tombe. وما يكون يوم القيامة من الأهوال. Et nous devons croire aux scènes horribles, aux scènes grandes terreurs qui auront lieu le jour du jugement dernier. Allah عز وجل يقول يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان شيبا يوم القيامة. الطفل الصغير من خوفه لله عز وجل يصبح شعره أبيض كشيب. نسأل الله أن يرحمنا في هذا الموقف. Donc nous devons croire aux toutes les situations terribles qui vont se dérouler le jour de la résurrection, comme celle où Allah nous dit que même l'enfant viendra avec les cheveux d'un vieillard tellement il aura peur d'Allah سبحانه وتعالى والشدائد والصراط. أما الصراط هو جسر ينصب على متن جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم ثم ينصب الجسر على متن جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قال الصحابة يا رسول الله وما الجسر؟ قال جسر معبر يعني ينصب على فوق متن جهنم ينصب على متن جهنم ثم ذكر الحديث فيمر عليه المؤمنون فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا يجري، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. قال فناء الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فناج مسلم سلمه الله فيعبر ويجاوز السيرات فلا يسقط في النار، ومخدوش مرسل يخدش ثم يرسل، يخدش ثم يرسل حتى يجاوز السيرات، والثالث ومكردس في نار جهنم أي يلقى على أم رأسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يومئذ يتفاوت في السرعة على قدر تفاوتهم في أعمالهم الصالحة في هذه الدنيا، فمن كانت أعماله كثيرة مر كالبرق، من كانت أعماله أكثر مر كالريح، من كانت أعماله أكثر مر كطرف العين، وهكذا. Nous devons croire donc au sirat qui est le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte l'imam Muslim. C'est un pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer et les gens viendront pour traverser ce pont. Et ils se diviseront en trois personnes. D'abord, les croyants passeront et certains passeront à la vitesse du clin d'œil, طرف العين. Certains passeront à la vitesse du vent. Certains passeront à la vitesse de l'éclair. Certains passeront à la vitesse du chameau lorsqu'il avance. Certains du cheval. Certains passeront en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant. Et les gens se diviseront en trois. Certains vont être sauvés par Allah et ils passeront. D'autres vont faillir tomber, ils vont presque tomber, ils vont se faire tirer par les griffes qu'il y aura à droite et à gauche du pont. Mais Allah va les laisser passer parce qu'ils avaient assez de bonnes actions pour pouvoir passer. Et les troisièmes sont ceux qui vont tomber dans l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyya. Wa al-mizan. والميزان له كفتان يوزن أو توزن فيه الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة أخرى. Et la balance, et les gens devront peser leurs actions le jour du jugement dernier. Dans un plateau de la balance, les bonnes actions. Dans l'autre plateau, les péchés. والحساب والذي يحاسب الله عز وجل الناس فردا فردا. Allah عز وجل jugera également les gens un par un. والجزاء بعد أن يحاسبك الله إذا كنت ممن يستحق الثواب أثابك الله إذا كنت ممن يستحق العذاب عياذا بالله عذبك الله نسأل الله السلامة والعافية. La rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, après t'avoir jugé, Allah te donnera la rétribution que tu mérites. ونشر الصحف بين الناس الصحف مكتوب أو مكتوب فيها الأعمال صالحة كانت أم سيئة وكل واحد كما قال الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهي أو حسيبة حسيبة حسيبة. Donc le déploiement des feuillets. Dans les feuillets, toutes les actions seront enregistrées et les anges apporteront à chaque personne son propre feuillet afin qu'il lise les actions qu'il avait faites lorsqu'il était dans ce bas monde. Et Allah nous dit à ce sujet que les anges lui diront « Tiens, lis ton livre aujourd'hui, tu te suffis comme propre comptable à toi-même. » À toi-même. « فَأَخِذُنْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ » Certains parmi eux prendront leur kitab par la main droite et d'autres par la main gauche. Ceux qui, et d'autres par derrière le dos. D'autres derrière le dos. Quant à ceux qui prendront le livre, combien de temps il nous reste ? 5. Quant à ceux qui prendront le livre par la main droite, Allah Azza wa Jal nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ أَنَا تَيَقَّنْتُ لَا أَشُكْ أَنِّي سَأَلْقَى اللَّهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَ قُطُوفُهَا دَانِيَ الثِّمَارُ الْمَقْطُوفَ قُطُوفُهَا دَانِيَ يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية. Quant à ceux qui prendront leur livre dans la main droite, ils s'écrieront: Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr de rencontrer mon jugement. Il sera donc dans une vie agréable, dans un paradis haut, dans un paradis haut. Jannatin aliya, qutufuha daniya. Les fruits seront proches de lui. Il n'aura pas d'effort à faire pour les prendre. Qutufuha daniya. Et Allah leur dira, mangez et buvez apaisément pour les bonnes actions que vous avez faites lorsque vous étiez dans le bas-monde. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, dans sa main gauche, jazakallah khair, il dira, malheur à moi, si seulement on ne m'avait pas remis mon livre, et j'aurais souhaité ne pas connaître mon jugement. Ya laytaha kanat al-qadhiya, si seulement la première mort fut la dernière et je ne suis pas ressuscité. Ma aghna anni maliya, mali ma nafa'ani al-yawm, ma nafa'ani al-yawm al-mal, ma ashtari bihi al-janna, ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniya, quwwati wa sultani ma nafa'ani al-yawm amama al-malik al-jabbar subhanahu wa ta'ala. Ma fortune m'a anéanti. Mon pouvoir, mon autorité m'a anéanti. ماذا يقول الله للملائكة خذوه فغلوه. Attrapez-le et enchaînez-le. ثم الجحيم صلوا. Puis brûlez-le dans l'enfer. نسأل الله السلامة والعافية. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. سلسلة 35 مترا. فاسلكوه. Attrapez-le et enchaînez-le dans une chaîne de 70 coudées, c'est-à-dire une chaîne de 35 mètres. Il sera attaché et il sera jeté en enfer. Ensuite, nous devons croire al-hawd, hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire au bassin du prophète alayhi salat wa salam. Et les musulmans viendront un par un pour boire min ma al-kawthar, comme a qala ta'ala, inna atainaka الكوثر. الكوثر هو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أدني وبروفات صلى الله عليه وسلم الكوثر. Et c'est un fleuve pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Et les croyants avant d'entrer au paradis يأتون ويشربون شربة لا يظمأون لا يظمأون بعدها أبدا انتهى العطش والظمأ لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Et ces gens-là viendront pour boire de cette eau, et après une gorgée, ils n'éprouveront plus jamais la soif. Ils n'auront plus jamais soif. Ça ne vaut pas le coup de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala yanbaghi an nattabi'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne vaut pas le coup lorsqu'on voit qu'une chose est une bid'a, une innovation, de la délaisser. Ala yanbaghi an natruka al-bid'a idha aradna an nashruba sharbatan la nadhma'u ba'daha abada. Ala yanbaghi أن نعود إلى الله ونعلق قلوبنا بالله عز وجل. Ne convient-il pas d'accrocher nos cœurs à Allah, de suivre le prophète et de le prendre comme exemple sallallahu alayhi wa sallam pour arriver ce jour-là à boire une gorgée, après on n'aura plus jamais soif. الجواب كلكم تعرفونه رحمني الله وإياكم. Il est donc obligatoire également de croire al-janna wal-nar. الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين والنار هي الدار التي أعدها الله للعصاة والفساق والعياذ بالله. L'enfer est le paradis, et le paradis est la demeure qu'Allah a préparée à ses serviteurs pieux. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن يوفقنا للجنة. Il y aura dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a pu s'imaginer. Au nord, et l'enfer est la demeure qu'Allah a réservée à ceux qui ont désobéi à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et l'enfer est horrible, et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Thumma wa huwa a'azamu shay'in ayyuha al-mu'minun ra'yatullah yawm al-qiyama. Qala Allah Azza wa Jal وجوه يومئذ ناظرة منورة بيضاء منورة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه إنه على كل شيء قدير. Nous devons croire également au fait que les croyants verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Allah a dit dans sourate Al-Qiyamah, il y aura des visages ce jour-là resplendissants, illuminés, magnifiques, qui regarderont vers leur Seigneur, qui regarderont leur Seigneur. وَتَكْلِيمُهُ إِيَّاهُمْ. Et qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, parlera à ses serviteurs. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكلم المسلمين والمؤمنين يكلمهم. الله أكبر. Le jour du jugement dernier, Allah va parler à ses serviteurs. Il va leur parler et il va leur faire la bonne annonce, alaykum salam, du paradis qu'Allah leur a promis. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et aussi toutes les autres choses qu'Allah nous a mentionnées dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. فيجب الإيمان بذلك كله. Il nous est donc obligatoire d'avoir la pleine conviction et de croire à toutes ces choses que nous venons de citer. وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله. Et nous devons attester de la véracité de toutes ces choses, mais sans déformer. Nous devons croire à ces choses-là et nous devons prendre ces informations comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a données. ولعلنا نختم بهذا ونكمل هذه الرسالة غدا بإذن الله تعالى. Donc nous terminons avec cela et nous terminerons de lire cette risala de Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah demain بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه المجالس سببا شراح صدورنا ومغفرة قلوبنا ونزول الرحمة إلينا ودخولنا الجنة ووقايتنا من النار ورؤيتنا لوجه الله وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه على كل شيء قدير والله تعالى أعلم وأجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا